Le secret des Hippélius par Jules Hermina. C'est une fille, s'écria triomphalement Conrad Zipp, en élevant au-dessus de sa tête la petite créature, doucement miaulante, que la sage-femme venait de placer dans ses larges mains. Notez qu'il se fût exclamé tout aussi gaiement si c'eût été un garçon. Ce qui le réjouissait avant tout, c'était l'enfant, le petit être aimé, né de lui et de sa femme, la belle Mickey Peters, qu'il avait épousée, il y avait 15 mois à peine, et qui en ce moment souriait, toute remise des douleurs passées par la joie de son mari. C'est qu'en vérité, elle avait eu presque peur. Il y avait si longtemps que Conrad avait parié, avec le voisin Michel Perner, que ce serait un gros fiston. Il avait fait ses projets, utilisant d'avance son énergie d'homme, rêvant de lui mettre en main le marteau du sculpteur, de le jeter en face d'un bloc de marbre et de lui crier « Fais de l'art !» Eh bien, c'était une fille, voilà tout. Conrad était ravi, et sur sa bonne figure imberbe, couronnée de cheveux roux, s'épanouissait un sourire d'enfant. Son bonheur rayonnait, large, simple, franc. Il se pencha vers le lit du bébé qui vagissait et murmura « Dis merci à maman. Merci d'être né. Merci de vivre. » Celui-là, évidemment, n'était pas pessimiste. Conrad Hippélius, appelé d'abord Zippel, puis par abréviation définitive Zip, était arrivé à Paris il y avait de cela 4 ans, seul, sans le sou, avec une toute petite pension de 100 francs par mois que lui faisait un oncle, demeurant là-bas, au pays natal, à Bloquens, village oublié dans les nomenclatures géographiques, sur le bord de la mer du Nord, aux extrêmes limites de France. Conrad connaissait fort peu le village, et moins encore peut-être l'oncle. Orphelin à 6 ans, il avait vécu, comme on dit, de bric et de broc, en pension chez un curé des environs de Dunkerque, apprenant nombre de choses sans en savoir aucune, n'ayant qu'un désir, c'était qu'on le laissât dans un coin avec un couteau et un morceau de bois. Officiellement, il déchiffrait l'épitome et même le déviris. À 15 ans, il plongeait dans les eaux fluides du doux Virgile, mais la conviction lui manquait et Horace restait pour lui stance morte. Tacite l'effrayait. Son laconisme le blessait comme une rudesse. Il était doux, aimait la nature, les fleurs et les horizons énormes. C'était un rêveur, ayant la passion de reproduire par le crayon, par l'ébauchoir, tout ce qui frappait ses sens. L'inévitable artiste lauréat de nombreuses académies qui passent dans le pays avait vu ses essais et avait déclaré qu'il était marqué au front du sceau du génie. Puisque Conrad, quoique français et très français, était d'origine flamande, nul doute qu'il ne fût destiné à renouveler la gloire de Rembrandt ou même à emprunter au génie scandinave l'inspiration d'un Thorvaldsen. En vérité, Conrad était un garçon bien doux, qui aimait à creuser du bois pas trop dur et qui faisait gentiment de gentilles figures, rien de Michel-Ange. Il s'était vu, tout petit, adulé, encouragé, entraîné, et pendant quelques années, il avait senti l'enthousiasme des fausses vocations. Absolument raisonnable, d'ailleurs, et par là peut-être véritablement artiste. Dès le début, il s'était compris, non créateur, mais copiste de premier ordre, n'imaginant rien au-delà de ce qui avait été vu, mais apte à le reproduire, voire même à ajouter à la copie une saveur d'originalité, un type de modestie intelligente. Le curé, collaborant au bollandiste, s'occupait fort peu de lui, non par indifférence, mais surtout par confiance. Il était sûr de lui. Si jamais il le perdait de vue, il était certain de le retrouver dans quelque pré maniant de la terre glaise ou cherchant un effet de gouache. Conrad ignorait absolument ce que pouvaient être les effusions de l'amour filial. Le curé, quelquefois, lui avait parlé de son père. Un fou, paraît-il, qui, cérabiste, avait usé sa vie à rechercher une couleur perdue. Sa mère, à ce qu'on lui avait dit, était une femme acariâtre qui avait hâté la mort de son mari en lui reprochant jour et nuit de gaspiller ses ressources en expériences coûteuses et, selon elle, ridicules. Très calme, monsieur le curé. Jadis frappé d'interdit pour avoir voulu découvrir dans la morale du Christ plus que ne le veut l'Église catholique, soumis ou plutôt brisé, le brave homme avait appris à son élève cette science, la première de toutes, qui s'appelle la résignation. « Il n'y a qu'un mot utile dans la vie, lui avait-il dit, et ce mot c'est « Amen ». Si jamais, mon enfant, quelque douleur te frappe, si quelques catastrophes font sur toi, quand le premier moment de surprise sera passé, prononce ce seul mot « Amen » et suis ton chemin. » Et disant « Amen », le curé était mort. De sa famille, Conrad ne savait rien de plus, sinon que, s'appelant Zipelius, il était de race hollandaise. Il avait, à ce qu'on lui avait affirmé, une ribambelle d'oncles et de cousins. Pourquoi l'un de ses oncles, qu'il n'avait jamais vu, lui faisait-il cette pension de 100 francs par mois? Il n'en savait rien, et du reste, ayant l'esprit fort peu porté aux réflexions persistantes, ne s'en préoccupait pas. Le curé, questionné très discrètement d'ailleurs, avait répondu évasivement. Il paraît que cette branche des Zipelius ne jouissait pas d'une réputation excellente. Pas de détails. Au besoin, le curé se signait et se tenait quoi. Si quoi, que sans avoir parlé, il s'en alla. Conrad se trouva fort embarrassé et demanda conseil à un Dunkerquois qui l'engagea fortement à se rendre à Paris. « Pourquoi pas ?» se dit Conrad. « Amen. » Étant de goût simple, il se logea très modestement auprès du jardin des plantes et, muni de quelques lettres de recommandation, chercha du travail. Le hasard le servit à merveille. Justement, il fit la rencontre d'un brave flamand qui vendait pour des originaux du XVIIe siècle des tableaux peints en noir de fumée dans les quartiers pauvres et aussi des antiquités dont l'origine était d'autant plus authentique qu'au besoin, M. Hans Peters en aurait pu montrer l'auteur. Bon commerce d'ailleurs et qui prospérait. Conrad peignit des couchers de soleil sur leurs huîtres et modela des grès. En même temps, il adressait de longs regards bleus à Mickey, petite Marie Peters, qui était bien la meilleure enfant du monde et que ce beau garçon, si peu bruyant, n'effrayait nullement. Il avait alors 25 ans, elle en avait 20. M. Hans ne se fit prier que tout juste ce qu'il fallait pour ne pas sembler jeter sa fille à la tête du premier prétendant venu, et le mariage se fit. Amen. Et en vérité, Conrad n'eut pas besoin de faire appel à sa résignation ordinaire. Mickey fut aussi bonne femme qu'elle avait été gentille fiancée, et le jeune ménage se mit à descendre doucettement le ruisseau de la vie. Les anciens flamands étaient très demandés sur la place, et aussi c'était la vogue des pommeaux d'épée. Conrad travaillait dur, ayant acquis un tour de main incomparable. De plus, il avait un ami, Michel Penner, bouquiniste de son état, chercheur de vieilles estampes, et qui lui avait fourni plus d'un modèle. Nature non moins placide, qui s'accordait admirablement avec la sienne. Et voici que maintenant Conrad était père d'une petite fille qu'il appela Monique, car elle était née le 4 mai, jour où l'église fête la mère de Saint-Augustin. Le père Peters, ravi, parla de céder définitivement sa maison à son gendre, voulant, avant de mourir, visiter les musées de la Hollande, pour une fois au moins, voir des toiles authentiques. Encore 2 mois, le temps nécessaire au parfait rétablissement de Mick, et ce serait affaire terminée. Donc tout souriait au jeune ménage, et Conrad se trouvait parfaitement heureux. Le 8 septembre, Monique, ayant atteint sans encombre son 4e mois, tétait avidement le sein de sa mère lorsque le facteur entra dans le magasin et avisant Conrad, qui travaillait à parachever une buire du 12e siècle. « Une lettre chargée, monsieur Zipelius. » Conrad eut une exclamation de surprise. Il ne recevait jamais de lettres personnelles, la correspondance commerciale étant toute au nom du père Peters. Mais l'enveloppe portait bien son nom, correctement écrit, avec le timbre de Bolezel, petite ville non loin de Dunkerque. Conrad signa et, s'approchant de Mickey, « Qui peut m'écrire du pays ?» dit-il, la voix un peu inquiète. « Ouvre donc, mon ami, tu le sauras tout de suite. » Conrad remarqua une fois de plus que Mickey était de bon conseil et soigneux. Il introduisit une lame dans le pli de l'enveloppe et la coupa. La lettre portait au coin cette indication « Étude Maître Brandleberg, notaire à Bolzel, Nord. » Elle était ainsi conçue. « Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer du décès de M. Jean-Martin Zipelius, qui, par testament authentique déposé en mon étude, vous a institué son légataire universel, sous certaines conditions, dont je m'empresserai de vous donner connaissance au jour où il vous plaira de vous présenter à mon étude, lecture desdites conditions devant être faite devant témoins, selon l'expresse volonté exprimée par le défunt. Je me tiens d'ailleurs à votre disposition pour toutes les informations supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin. J'ai l'honneur, etc. L'oncle Jean est mort, fit tristement Conrad, qui avait l'âme bonne. Tu ne le connaissais pas, non? Et il te laisse tout ce qu'il possédait? J'ignorais même qu'il possédait quelque chose. Cependant, il s'était toujours montré bienveillant pour moi, car c'est à lui que je dois la petite pension qui m'a permis de vivre. Ne lui as-tu jamais écrit pour le remercier? Le curé qui m'a élevé m'a toujours dit que l'intention formelle de l'oncle Jean était de ne jamais entendre parler de moi. Si je lui avais écrit, il m'aurait supprimé mon revenu. Quel drôle d'oncle, et que vas-tu faire? Que me conseilles-tu? S'agit-il d'un bien long voyage? Quelques heures de chemin de fer. Mais je suis si bien ici, ajouta-t-il avec un soupir. Et puis, ai-je droit à cet héritage? Vaut-il la peine d'un déplacement? Sans parler de ces conditions dont le notaire me fait un mystère, comme s'il n'était pas plus simple de me le dire tout de suite, c'est ceci ou c'est cela. Mais, puisqu'il obéit à la volonté de ton oncle. Conrad se sentait troublé. Certes, il n'eût pas pu expliquer pourquoi. C'était comme une angoisse qui lui étreignait le cœur. Et cependant, qu'y avait-il là d'effrayant? D'ordinaire, on accueille avec plus de joie la nouvelle inattendue d'un héritage, car enfin, quel que fût son peu d'importance, c'était toujours une aubaine inespérée. Et il faut songer à l'avenir de Monique, ajouta la mère de famille. En somme, le mieux était de demander conseil au père Peters et aussi au camarade Perner. Conrad y consentit immédiatement. Il venait de constater pour la première fois de sa vie qu'il lui serait très difficile de jamais prendre une décision par lui-même, et cela l'humiliait un peu. Le beau-père et l'ami se mirent tout de suite d'accord. Un héritage, c'est toujours bon à prendre. Conrad avait beau répéter qu'il n'en avait pas besoin, qu'il gagnait bien sa vie et qu'il n'était pas ambitieux. Il n'avait pas le droit, surtout maintenant qu'il était père, de négliger ses intérêts. Après tout, il ne s'agissait sans doute qu'une absence de 2 ou 3 jours, et encore, avant de se décider au voyage, une précaution était tout indiquée par la teneur même de la lettre du notaire. C'était de lui écrire, afin de réclamer de son obligeance les renseignements supplémentaires qu'il se disait prêt à communiquer sur simple demande. Mais quel renseignement? Ici, le père Peters intervint. Le notaire devait être un homme raisonnable, comprenant la vie. Rien de plus simple que de lui expliquer la situation. On était mariés, père de famille, on avait un petit commerce qui n'allait pas trop mal. Or, dans les affaires, il est toujours imprudent de s'absenter, fût-ce pour quelques jours seulement. En bonne conscience, maître Wallenberg estimait-il que l'héritage valut la peine d'un déplacement qui pourrait devenir très onéreux. Tout cela était fort bien raisonné, et un notaire provincial, c'est-à-dire éminemment posé, ne pouvait se formaliser de questions aussi bien justifiées. Il était bien entendu qu'avant tout, Conrad était absolument décidé à respecter les volontés de son oncle défunt. Mais était-elle donc stricte à ce point qu'un voyage fût indispensable? La lettre écrite, approuvée par les 2 conseillers, Conrad se sentit la conscience plus légère. Il prit Monique dans ses bras et lui dit en riant « Sois tranquille, petite, c'est le travail de papa qui assurera ton avenir. » 3 jours après, arrivait la réponse de maître Wallenberg. Loin de se formaliser de ce qu'il estimait une mesure de prudence, il approuvait de tout son cœur les hésitations de M. Conrad Zippelius, et pour assurer son esprit, il répondait méthodiquement à ses diverses questions. Premièrement, la fortune de Jean-Martin Zippelius s'élevait approximativement à 600 000 francs, tant en terre, maison qu'en titres et espèces sonnantes, ces dernières représentant un capital de 425 000 francs. Deuxièmement, le notaire ne pouvait fournir aucune indication sur les conditions imposées aux légataires, la formalité exigeant devant consister en leur remise devant témoin d'enveloppes cachetées et aussi d'une boîte scellée. Troisièmement, au cas où M. Conrad Zippelius se refuserait, pour quelque raison que ce fût, à venir en l'étude du notaire sous-signé, celui-ci avait ordre d'abord de brûler en un grand feu, sur la place publique de Blacas, les enveloppes cachetées et aussi la petite boîte scellée. Quant à la fortune, elle serait attribuée aux pauvres de l'arrondissement de Dunkerque. Enfin, la lettre se terminait par ce post-scriptum laconique. « Je crois devoir porter à votre connaissance que M. Jean-Martin Zippelius a toujours passé pour un original et qu'il s'est suicidé. » Bien peu de choses, ce post-scriptum, et pourtant, encore une fois, Conrad, en le lisant, éprouva une impression des plus pénibles. Mais c'était là des enfantillages. À ce chiffre de 600 000 francs, le père Peters et ami Perner avaient ouvert de grands yeux qui, à la fin de la lecture, n'étaient pas encore revenus tout à fait à leur état normal. Quant à Conrad, la surexcitation que développait en lui cette étrange aventure se compliquait maintenant d'un sentiment tout nouveau pour lui. C'était comme une fièvre de curiosité qui l'envahissait, montée de son cœur à son cerveau avec des chaleurs d'ivresse. En cette nature placide, la notion d'un inconnu à poursuivre mettait de singulières activités. N'eût été cette affaire d'enveloppe fermée, de boîte scellée, Conrad, en vérité, eût peut-être fait très bon marché du demi-million qui semblait tomber du ciel, à supposer que le ciel eût quelque chose à voir dans les agissements d'un suicidé. Et ce suicide même, si brutalement annoncé, sans un mot d'explication, ni même de regret poli, intriguait Conrad plus qu'il ne lui était possible de l'expliquer. Rapidement repassaient dans sa mémoire, écho d'un temps bien lointain, des mots jadis murmurés par le curé. « Ces Hippelius, tous fous, tu seras le premier homme raisonnable de la famille !» Et ceci encore, ce souvenir, qui paraissait émerger du plus profond du passé, un Hippelius n'a jamais su mourir comme tout le monde. Conrad était convaincu qu'il n'était doué d'aucune imagination. Il se déclarait volontiers l'être le plus calme de la création, et pourtant, maintenant, il en avait les fibres les plus secrètes de son organisme, une sorte de trépidation quasi douloureuse. En son cerveau, des idées s'agitaient, confuses, étranges. Il lui semblait apercevoir, dans un demi-jour ténébreux, la figure ricanante de l'oncle Hippelius qui attendait sa décision avec, au coin des lèvres, une expression de mépris dédaigneux. « Je partirai demain, » s'écria-t-il soudainement avec un accent de défi, en poltron tout à coup décidé à braver le danger. Et pas une autre expression ne saurait rendre ce que les psychologues d'aujourd'hui auraient appelé son état d'âme. Oui, il avait l'intuition irraisonnée, mais absolument nette, d'un péril à braver, et aussi un certain orgueil d'avoir été choisi par l'oncle Jean-Martin pour l'affronter. Des enveloppes cachetées, une petite boîte avec des seaux de cire, tout cela n'est pourtant pas bien effrayant. Mais quand les moutons s'emballent, le diable seul sait où il s'arrête. Mickey trouvait donc bien le départ un peu prompt. Elle eût voulu que tout au moins Monique eût sa première dent qui pointait. Mais père Peters, qui ne se sentait pas d'aise, non qu'il fût égoïste certes, mais parce qu'il lui tardait de voir sa fille Madame Hippelius en possession de ses écus sonnants et ayant cours, qui de loin tintaient agréablement à ses oreilles, affirma que Conrad, en se hâtant, remplissait ses devoirs d'époux et de père. Perner était attristé. Il se disait que Hippelius, en passe de devenir tout à fait millionnaire, délaisserait la petite boutique où on avait taillé de si bonnes causeries. Mais lui non plus n'était ni envieux ni personnel. Il était tout naturel que Conrad fût désireux d'être fixé le plus tôt possible. Mais partir demain, à quelle heure les trains? Michel courut au petit café voisin pour emprunter l'indicateur et on se mit à le piocher consciencieusement. D'abord, pas de station à Bolzel. Il fallait s'arrêter à Eskelbeck, et là, prendre un omnibus dont le trajet dura plus d'une heure. Mickey, qui n'était jamais sorti de Paris et considérait comme un grand voyage de s'en aller au-delà des ponts, faisait une petite moue. Songez donc, toute une journée de chemin de fer et de diligence. Mais Zip, d'ordinaire si peu entreprenant, répondit nettement qu'il n'en mourrait pas. N'avait-il pas fait naguère le même trajet, sans ressentir la même fatigue, Dunkerque qui était cependant plus éloigné encore de six lieues. Penner te dit, « Si madame Mickey le veut, j'irai avec Zip. » Mais Conrad se gendarma. Est-ce qu'il était un enfant qu'on eut besoin de l'accompagner? Le père Peters le trouva très crâne et l'encouragea. C'était bien inutile. Conrad était archi-décidé. Au besoin, pour la première fois de sa vie, il eût imposé sa volonté. Cet acte d'autorité était d'ailleurs inutile, car au fond, tout le monde était du même avis. Même à mesure qu'on causait de la lettre du notaire, l'impatience de Conrad gagnait jusqu'à Mickey. C'était dit. Zip prendra le train dès le lendemain matin. Mais dès qu'il aurait vu le notaire, il écrirait tout de suite. Bien entendu, il ne prolongerait son séjour que le temps strictement nécessaire. Mickey posa Monique au bras de son mari et se mit à préparer le petit bagage nécessaire. Et comme l'enfant dormait, Zip se promenait de long en large dans le magasin, les yeux perdus vers une vision étrange et indéfinissable. Il lui semblait en vérité que depuis ces quelques heures, il vécut une autre vie, comme si un autre individu, jusqu'alors endormi, se fût tout à coup éveillé en lui. Non, ce n'était pas le Zip connu qui rêvassait ainsi, sans qu'il lui fût possible de savoir à quoi il songeait. Son cerveau n'avait pas sa lucidité habituelle, et en son cœur serré, il y avait une angoisse. Tous fous, les Zipelius, voyons. Est-ce qu'il allait lui aussi ressembler à ceux que le vieux curé de Dunkerque semblait jadis traiter avec une sorte de dédain effrayé, comme s'il parlait d'être en dehors de la norme ordinaire? Conrad fut soudain éveillé. La petite mioche gazouillait, pas méchante. C'était comme un chant. Il l'embrassa, et en ce moment, il songea à ne pas quitter, fût-ce pour une heure, ce nid où il était si bien. Mickey entra, tout était prêt. Puis elle reprit l'enfant qui avançait les lèvres, gourmand de vivre. Elle était bien jolie, Mickey, et bien mignonne aussi, Monique. Eh bien, le demi-million de l'oncle servirait à leur arranger une vie tranquille et heureuse. Pourquoi Mickey n'aurait-elle pas, comme tant d'autres femmes, de belles robes de soie? Et pourquoi Mickey ne dormirait-elle pas dans un berceau tout emmitouflé de dentelle? Et Conrad secoua ses dernières hésitations comme un fardeau incommode. Amen. Les voyages, selon un très vieux dicton, forment la jeunesse. Zip ne s'en aperçut guère. Car il s'endormit, quoiqu'il fît grand jour, et ne se réveilla qu'à quelques stations d'Esquelbec. Il se sentait la tête légère, l'esprit vif. S'apercevant qu'il se trouvait dans une des très vilaines caisses de bois qui portent le titre de troisième classe, il eut soudain un ressouvenir du but de son voyage, 600 000 francs. Bah, il reviendrait tout au moins en seconde. L'oncle Zipelius avait décidément très bien agi en songeant in extremis à son neveu. S'il n'avait pas su ou n'avait pas voulu jouir de sa fortune, Zip serait moins ignorant ou moins pessimiste. Il se plairait à rendre tout le monde heureux autour de lui. Et puis, il y avait l'art. Conrad n'avait pas réussi jusqu'ici parce qu'il manquait de loisirs. Aussi, par nécessité, il s'était résigné à des travaux d'un ordre peu relevé. Mais dès qu'il serait riche, que de chefs-d'œuvre! Bref, il les voyait devant son imagination comme s'il n'avait plus qu'à les envoyer chez un encadreur ou appeler le praticien pour les mettre au point. Il ne savait pas très bien s'il se déciderait pour la peinture ou pour la sculpture. La voiture de Bolzel attendait les voyageurs. Conrad s'y installa, lui sixième, pas trop gêné en somme, et trouvant que tout se passait au mieux. Il avait même un coin, une grosse femme, le calait avec des paniers. En face de lui, un homme assez grand, vêtu comme un propriétaire ou un petit fonctionnaire, la face assez bienveillante. Le cocher demanda à chacun où il allait. « Y a-t-il un hôtel à Bolzel ?» questionna Conrad. Le voisin de face eut un soubresaut. « Pour sûr !» fit le conducteur en riant. « Même que vous êtes aux premières loges pour vous entendre avec le patron qui est monsieur. »« Je suis enchanté, » dit Conrad. « Voilà qui m'épargne de la peine. »« Alors, monsieur ?»« Je suis propriétaire de l'hôtel de la Couronne, » dit l'homme. « Et j'espère que vous y trouverez bien. »« Est-ce pour plusieurs jours ?»« À vrai dire, je ne le sais pas au juste. » « Je vais pour affaire, et on ne prévoit jamais combien de temps cela dure. »« Que ce soit pour le plus longtemps possible, » reprit l'hôte de la Couronne. Il ajouta avec un soupir, « Pas grand monde à Bolzel, et pourtant un si joli pays. »« Mais les chemins de fer nous tuent, monsieur. »« C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. »« Alors monsieur vient pour affaire. »« Monsieur n'aurait pas l'intention de s'établir dans le pays. »« Il y a de bien belles occasions de terrain. »« Je ne crois pas, » riposta Zip. « Non, sans une certaine pointe de vanité. » Quand on habite Paris. Puis, comprenant tout ce que cette dernière déclaration pouvait avoir de pénible pour le bolzélien, il se corrigea. Pourtant, j'aime beaucoup ce pays-ci, j'y suis né. À Bolzel? Pas tout à fait, à Blakens. Attendez donc, je me disais aussi. Vous avez une physionomie? Mais oui. Je m'appelle Conrad Zipelius, fit le jeune homme en se rengorgeant quelque peu. Cette fois, il y eut parmi le groupe de voyageurs une sorte de commotion. Proche parent du vieux Zipelius qui est mort tout dernièrement, propre neveu. Nouvelle secousse, mais cette fois augmentée d'un vif sentiment de curiosité. On se pencha pour mieux examiner Conrad, qui subit cet examen avec une complaisance pleine de dignité. Mais comme il s'apprêtait à répondre bienveillamment, quoique avec une discrétion de bon goût, aux questions qu'il ne pouvait manquer, il s'aperçut tout à coup que les visages, même celui de l'hôtelier, s'étaient subitement rembrunis. Sur tous les fronts, une gravité s'était répandue. Un gros garçon joufflu, qui était dans le coin auprès de la portière, le considérait en dessous avec une sorte d'effarement. Subitement, le silence était fait. Conrad se sentit gêné. Il voulut engager de nouveau la conversation, questionner à son tour, mais le moyen, Nul ne l'encourageait, ni même ne semblait disposé à lui donner la réplique. Il se rencogna et, fermant à demi les yeux, fit semblant de s'endormir. Du reste, cet ennui ne dura pas. Un cas hautement bruyant, compliqué d'un bruit de ferraille, lui apprit qu'on entrait dans une ville. La voiture stoppa, on était à Bolzel. Et justement, devant l'hôtel de la Couronne. Le patron, descendant le premier, appela un garçon et lui désigna de la main le très modeste bagage du voyageur. Les autres s'éparpillèrent dans la grande rue. L'hôtelier se retourna vers Conrad et encore une fois, il y avait sur sa physionomie une nouvelle métamorphose. Maintenant il souriait et haussant les épaules, il dit à Conrad « Les imbéciles, comme si cela les regardait !» Et en même temps, appelant sa femme, « Madame Frankel, Monsieur Conrad Zippelius, le neveu de l'autre !» Ces derniers mots avaient été prononcés avec un accent indéfinissable. « Oh, ça ne fait rien !» dit l'hôtesse. « Monsieur le bienvenu chez nous !» Conrad était littéralement ahuri. Il ne comprenait rien à ce qu'il voyait ni à ce qu'il entendait. Il se sentait entré en plein mystère. Et un instinct lui conseillait de ne pas demander d'explication. En somme, pour être bizarre, la réception maintenant était des plus cordiales. Une grosse servante conduisit Conrad à la plus belle chambre de la Couronne, et comme 7 heures sonnait, M. Frankel monta lui-même pour inviter le jeune homme à descendre dans la salle à manger. « Nous sommes tout à fait entre nous, » dit-il à Conrad, en clignant de l'œil comme s'il entendait bien être compris à demi-mot. « Vous serez tout à fait tranquille. » Zip, ayant une faim de jeune loup, n'en était pas à épiloguer. Il était d'ailleurs ravi de l'amabilité actuelle de son hôte. Pour prouver à Madame Frankel, une assez jolie brune, solidement potelée, qu'il savait quelque respect dû aux dames, il réclama seulement quelques minutes pour réparer le désordre de sa toilette, et bientôt il fit son entrée dans la salle à manger, où M. et Mme Frankel étaient déjà installés avec leurs 3 enfants et 4 pensionnaires. Au moment où il parut, un des gamins, d'une 12aine d'années à peu près, éclata de rire et reçut une bourrade qui le ferait tomber le nez dans son assiette. Les autres enfants, comme ils eussent obéi à des ordres précis et corroborés de menaces, ne levèrent même pas les yeux. Quant aux pensionnaires, Mme Frankel leur lança un regard noir dont la signification non équivoque était « Attention, ne bougeons plus !» Cette fois, Conrad ne surprit aucun de ces détails. Il salua avec aisance, vint occuper la place qui lui était réservée comme un tout nouvel arrivant auprès de la maîtresse de la maison, et sans plus s'occuper de ce qui se passait autour de lui, se mit à dévorer les mets abondants qui défilaient devant lui. Madame Frankel, au second service, adressa un signe imperceptible à sa femme. Le fait est que nul jusqu'alors n'avait encore poussé une seule parole, ce qu'il fallait sans doute attribuer à l'embarras inséparable d'une première entrevue. « Alors, monsieur habite Paris ?» demanda Madame Frankel avec son plus gracieux sourire. « Oui, madame, depuis plusieurs années, et je compte y retourner après-demain ou plus tard. C'est un séjour bien court. Monsieur Frankel me comprendra certainement, fit Zip galamment, quand il saura que, comme lui tout à l'heure, je suis attendu chez moi. Ah, vous êtes marié. Et père, ajouta Conrad. Ou un tout petit bébé, 4 mois à peine. » Tous les convives avaient relevé la tête, regardant parler Zip, qui s'exprimait avec la plus parfaite netteté. Il continua, assez flatté de l'attention qu'on lui prêtait. Il n'a fallu rien moins qu'une lettre pressante pour me décider à ce voyage. Une lettre, fit Madame Frankel après une œillade rapide à ses pensionnaires. Du notaire, M. Von Lerberg. Il y eut un petit murmure. Nous nous en doutions bien. Nous le savions même pertinemment, disait ce murmure. Bel héritage, reprit M. Frankel, mettant, comme on dit, les pieds dans le plat. Nous souhaitons sincèrement qu'il vous porte bonne chance. Conrad regarda curieusement son hôte. Pourquoi un héritage pourrait-il lui porter malchance? Mais l'hôtelier avait reçu sous la table un coup de pied de sa femme et reprit vivement. Nous n'en doutons pas d'ailleurs. Un peu de légumes? Conrad se demanda si ce n'était pas la fatigue du voyage qui, agissant sur ses nerfs, le dotait d'une susceptibilité tout à fait inhabituelle. Elle reprit du ton le plus déluré. Au fond, je vous avoue que je ne sais pas du tout ce dont il s'agit. Je n'ai jamais vu l'oncle Zippelius et de plus, je n'ai jamais eu de relation personnelle avec lui. Il paraît qu'il a fait un testament en ma faveur, sous certaines conditions que je n'accepterai que s'il me convient. Donc ce soir, si je puis, en tout cas demain, autant que possible, je verrai Maître Van Lerberg. Et selon les circonstances, j'agirai. Rien de plus simple, comme vous voyez. et je ne suis encore qu'un héritier in partibus. » Conrad sentait bien qu'autour de lui régnait une gêne quasi mystérieuse. Il avait préféré aller droit dans toute sa franchise de brave garçon. Puisqu'on tournait si fort autour de lui pour savoir ce qu'il venait faire en ce pays perdu, maintenant on était fixé. Il n'avait après tout rien à cacher. Et il parut qu'il avait très sagement agi, car, soudainement, les allures des convives changèrent sensiblement. « Maître Vandenberg, qui est mon patron, dit l'un d'eux, n'est pas en ville ce soir, mais demain, dès 10 heures, il se tiendra à votre disposition. Je le préviendrai de votre arrivée. » Mille remerciements. Car ce soir me rendre un véritable service que de me permettre de retourner chez moi le plus tôt possible. Alors, reprit Madame Frankel en regardant le jeune homme à plein dans les yeux, comme un médecin qui cherche à établir un diagnostic, vous êtes bien décidé à ne pas vous établir dans le pays? C'est la plus grande probabilité. J'aime Paris et je crois que ma femme consentira difficilement à le quitter. Vous êtes dans le commerce? Hasarda Monsieur Frankel. Je suis peintre, répliqua Zip, qui pour le moment choisit nettement cette spécialité. Les enfants de Madame Frankel prenaient des leçons de dessin, guidés par le percepteur des contributions, qui faisait un peu d'aquarelle. Il sembla qu'à ce mot la glace fût définitivement rompue. Le clerc de notaire était allé à Paris voir une exposition de peinture. Il admirait fort M. Cabanel, qui du reste, ajouta-t-il, était de l'Institut. « Croyez-moi, dit l'hôtelier avec un gros rire, ça vaut mieux que de chercher la pierre philosophale. » Et ce fut une hilarité générale, à laquelle d'ailleurs, s'associa très volontiers Zip, quoiqu'il ne comprît pas bien la relation d'idées qui associait la peinture à l'art de Paracels. « En tout cas, c'est plus sûr, » déclara-t-il. M. Frankel, comme s'il se fût agi de fêter un heureux événement, lequel, donna ordre qu'on montât 2 bonnes bouteilles, et royalement régala son voyageur et ses pensionnaires qui se cotisèrent à leur tour pour payer 1 bouteille de champagne, 1 seule. « Ah bien !» Est-ce que Conrad entendait ne pas rendre les politesses reçues? 2, 3 bouteilles de champagne, et peu à peu, la salle à manger de la couronne prenait des allures de taverne flamande. Madame Frankel était elle-même très égayée. Le percepteur voulut montrer à Conrad des échantillons de son talent et exhiba d'horribles enluminures que Zip, bon enfant, déclara de véritables chefs-d'œuvre. Le clerc de notaire chanta une gaudriole gazée. Frankel songea à sonner une fanfare de corps de chasse, ce qui était, paraît-il, le signe nec plus ultra d'une joie intense. Conrad ne sut jamais à quelle heure il s'était couché, seulement il se souvint qu'à un certain moment, Madame Frankel lui avait pris le bras et lui avait dit à mi-voix « Vous nous avez fait joliment peur, mais je crois qu'avec vous, nous n'avons rien à craindre. » Au matin, Conrad se sentit la tête très lourde, les tempes serrées, la gorge sèche, et aussi le cerveau bourrelé de remords, ainsi qu'il convient en ces douloureuses circonstances. Pourtant, avait-il pu se refuser aux effusions de ces braves gens, et n'était-il pas de son devoir strict de leur rendre leur politesse? Bah, quand Zip se fut tenu la tête pendant 15 minutes sous un robinet d'eau presque glacée, il se sentit tout ragaillardi. Seulement il avait encore soif, et lui restait une excitation générale qui n'était pas sans quelque charme. L'hôtel avait repris son calme accoutumé. Frankel était déjà à son poste, recevant un gros de cultivateurs des environs et leur tenant tête avec la maestria d'un homme qui a l'estomac libre et la conscience tranquille. Il serra vigoureusement la main de son hôte, lui versa un plein verre de vin blanc et trinqua avec lui en lui disant « Paresseux, ne fais pas attendre le notaire !» Quelle heure était-il donc? 9h30. Zip se sentit rougir jusqu'à la racine des cheveux. Lui qui, à Paris, se levait avec le jour. Et toujours cette maudite soif. Frankel, qui connaissait cela, se refusa énergiquement de lui laisser boire la lampée d'eau claire après laquelle il soupirait. Rien de meilleur pour calmer la soif, du lendemain, qu'un petit verre d'eau-de-vie de mare. Et pas de protestation possible, on se serait fâché. À 10 heures juste, Zip faisait son entrée dans l'étude de Maître Vandenberg. Bien entendu, il se tenait fort droit. Seulement, il avait les yeux un peu bouffis, et mouillait souvent ses lèvres d'un coup de langue. Le clerc de notaire le reconnut aussitôt, et après une bonne poignée de main, en vieille connaissance, alla l'annoncer à son patron. « Entrez, » dit-il, en s'effaçant pour le laisser passer. Conrad se trouva dans le cabinet du tabellion, une grande pièce nue, au mur caché sous des casiers surchargés de cartons d'une couleur vague. Le bureau au milieu, quelques sièges, rien du luxe affecté par ces notaires d'aujourd'hui dont on parle trop souvent dans le monde judiciaire. Le local était froid. Le notaire était glacial, petit, glabre, osseux, avec des yeux sans regard, serrés dans des vêtements noirs, qui avaient je ne sais quoi de funèbre. De plus, il était atteint d'une aphonie presque complète et parlait comme le médecin dans la chambre d'un moribond, alors qu'il faut répondre, sans être entendu, aux questions des intéressés. Conrad se sentit saisi d'un respect presque craintif. Il salua profondément. « Monsieur Conrad Zippelius, ce sera l'homme. Fort bien. Vous avez reçu ma dernière lettre, sans doute, et je suis venu immédiatement. Vous désirez prendre connaissance du testament de Monsieur Jean-Martin Zippelius ? En effet, c'est l'unique but de mon voyage. Y aurait-il à cela quelques difficultés ? Aucune, aucune. Je ne suis que l'exécuteur docile des volontés du défunt, qui me les a expressément notifiées par un acte dont je vais tout d'abord vous donner connaissance. Pardon, monsieur, mais, auparavant, me permettriez-vous de vous adresser quelques questions ? » Le notaire, qui s'était à demi levé, sans doute, pour aller prendre la pièce à laquelle il avait fait allusion, se rassit. Ses mouvements ne produisaient pas le moindre bruit. On eût dit qu'il s'agitait dans une gaine douate. « Je suis à votre disposition, » fit-il des lèvres plutôt que de la langue. Conrad était fort mal à l'aise. Jamais il n'avait eu affaire aux gens de loi, et à sa peur instinctive se joignit encore l'impression désagréable que lui causait ce petit homme presque muet. « Je vous demande pardon, » répéta-t-il, « mais le post-scriptum de votre lettre, vous me disiez que mon oncle, il s'arrête à court, ne trouvant pas les mots nécessaires à l'achèvement de sa phrase. Maître Van Lundberg attendit le temps indiqué par la politesse pour lui permettre de la compléter, n'entendant rien. « J'ai cru devoir vous avertir, monsieur, avant que vous ne vous décidassiez à entreprendre votre voyage, que M. Jean-Marie Zippelius ne passait pas pour jouir d'un parfait équilibre d'esprit. » Ce que semble du reste indiquer l'acte par lequel il mit fin à ses jours. Ainsi, Fizib, le malheureux s'est tué. Oui, monsieur. Puis après une pause, comme son père d'ailleurs, et aussi comme son grand-oncle. Hein ? S'écria Conrad en frissonnant. Tous suicidés ? Le notaire s'inclina. Inutile de se répéter. Mais du moins, soupçonne-t-on le motif de ces actes de désespoir ? Je ne parle pas de ceux qui sont morts il y a longtemps déjà, mais pour mon oncle. Il est impossible qu'on ne sache pas. Puisque vous le désirez, je vais vous faire connaître ce que j'ai appris. Monsieur Jean-Martin Zippelius, qui habitait Blanquins, où vous êtes né vous-même, vivait très retiré et se livrait à des travaux qu'à tort ou à raison, les vulgaires considèrent comme œuvre diabolique. On prétendait qu'il cherchait la transmutation des métaux. Je dois vous déclarer pourtant qu'un jour, s'expliquant avec moi, Monsieur Zippelius m'a formellement déclaré qu'il ne s'occupait plus de cette bagatelle. C'est la propre expression dont il s'est servi. Quoi qu'il en soit, il est certain que depuis l'âge de 45 ans environ, âge auquel un de ses oncles lui avait laissé sa fortune, il s'était adonné à l'étude de la chimie. Peu à peu, peut-être, par excès d'études, son caractère s'était altéré. Il s'était tout à fait retiré du monde et s'était confiné dans une vieille maison de Blanquins dont il ne sortait pour ainsi dire jamais. Nuit et jour, les cheminées de son laboratoire fumaient. Le temps passa, on l'oubliait presque dans sa solitude, quand, il y a de cela 2 ans à peine, il reparut. Il se mit à parcourir les villages environnants, avec des allures étranges qui effrayaient les paysans, d'autant qu'il s'arrêtait fréquemment au bord des rivières, auprès des sources, avec de grands gestes. Il n'en fallut pas plus pour qu'on l'accusât de jeter des sorts. Quelques-uns même prétendirent qu'il empoisonnait les puits et les cours d'eau. Une légion de haine s'attacha à lui. Il semblait n'y pas prendre garde, mais la colère grondait en lui, et lorsque dans ses pérégrinations il rencontrait des paysans, il les menaçait de sa fureur, disant que si on le persécutait, il détruirait le pays, la terre entière. Il est venu jusqu'ici, dans cette ville paisible de Bolzel, proférer les mêmes menaces, disant qu'il brûlerait le monde parce que le monde est mauvais. Il a crié cela sur la place publique, à l'heure du marché, devant des centaines de paysans qui ont failli l'écharper. On a eu grand-peine à protéger sa vie et l'autorité songeait à provoquer son internement dans une maison de fous. Mais c'est là une mesure grave lorsqu'il s'agit d'un homme riche. Et il n'a pas été donné suite à ce projet. Seulement, M. Zippelius a été appelé au parquet où de vivres montrances lui ont été adressées. Il a promis de s'amender et en effet, depuis lors, il n'a pas renouvelé le scandale dont il avait précédemment donné le douloureux spectacle. Il y a 6 mois à peine, qu'il est venu dans mon étude déposer le testament qui a fait l'objet du présent entretien. Je l'ai reçu ainsi qu'il appartenait à mon office ministériel. Depuis ce temps, M. Zippelius a été vu souvent, accoudé aux margelles des puits, au parapet des ponts, contemplant l'eau avec une sorte de folie dans les yeux. Enfin, je touche au dénouement. Il y a un mois, les gens de Blackens virent M. Zippelius sortir de chez lui et s'engager d'un pas rapide dans la ruelle qui conduit au pont sur l'Isère. Il avait de grands gestes inquiétants, se hâtait comme s'il allait mettre à exécution un projet longuement prémédité. On le suivit. Il n'y prenait pas garde, du moins en apparence. Il arriva sur le pont. Là, il s'arrêta et d'une voix retentissante, il cria « Cette fois, plus de pardon. Que le monde tout entier s'abîme dans la flamme. Que la terre brûle !» Et il leva les bras comme pour un anathème. Puis tout à coup, il se rejeta en arrière, criant encore « Non, non, je ne veux pas. Arrêtez-moi, emportez-moi, tuez-moi, que je ne commette pas ce crime horrible. » On s'empara de lui et on le reconduisit jusqu'à sa porte. Il s'enferma. Dans la nuit, les habitants de Blackens furent réveillés en sursaut par des cris. « Au feu !» Une lueur intense éclairait le ciel. On constata bien vite que le feu dévorait l'habitation du vieux Zippelius. On y courut. Mais il arrive à ce fait très étrange qu'au moment même où on atteignait la porte, la lueur s'éteignit brusquement, comme si un souffle colossal l'eût éteint. On ne s'arrêta pas, et les portes furent enfoncées, et voici ce qu'on trouva. Dans le milieu d'une vaste cour, entourée de murs hauts de plus de 7 mètres, était creusé un énorme bassin dont les parois étaient faites d'une sorte de béton, ou d'autres matières y ressemblant. Ce bassin, qui pouvait contenir, s'il eût été plein, 10 ou peut-être 15 000 litres de liquide, était brûlant comme un saladier du métal dans lequel on eût fait brûler du punch. De quel liquide avait-il été rempli, on l'ignore encore. Il n'y avait dans l'air aucune odeur d'alcool. Enfin, auprès du bassin, était étendu le cadavre de Jean-Martin Zippelius. Dans sa main crispée, il serrait une petite fiole vide. Nous ne savons rien de plus. Les formalités légales ont été remplies, ainsi qu'il convient. Les valeurs ont été inventoriées, bref, vos droits ont été sauvegardés. J'ai dit. Ni par un mot, ni par un geste, Conrad n'avait tenté d'interrompre ce récit, débité d'une voix monotone et sans inflexion qui en doublait l'étrangeté, et quand il fut achevé, en cette grande pièce triste et vide, le silence parut plus lourd. Soudain, Conrad s'écria « C'était un fou !» « Mais vous m'avez dit que son oncle, que son grand-père s'était suicidé. »« Ici, reprit le notaire, mes renseignements sont moins précis. Voici ce que je sais. Le grand-oncle, Peter Zippelius, s'était tué à l'âge de 43 ans, laissant sa fortune à Louis-Martin Zippelius et en lui transmettant par testament un coffret qui devait lui être remis devant témoin, ce qui fut fait, en cette étude même, par un de mes prédécesseurs. Louis-Martin Zippelius accepta le legs et quitta le pays. Longues années après, un pli arriva à l'étude contenant le testament du dit Louis-Martin qui s'était tué en Amérique. Par ce testament, qui était identique à celui qu'il avait enrichi, le défunt laissait sa fortune à votre oncle Jean-Martin, qui recevait également un coffret scellé. Voici que Jean-Martin est mort, et c'est à vous, maintenant, qu'échoit la fortune. Le notaire prit un temps et ajouta « Et le coffret ?» Conrad s'était dressé tout pâle. Ainsi, s'écria-t-il, c'est dans des conditions pareilles que toujours s'est transmise cette fortune maudite, dont le possesseur semble inévitablement condamné au suicide, mais si je refuse de la recevoir, le notaire ne s'émut point. On a toujours le droit de renoncer à une succession. Au cas où votre décision serait irrévocable, je détruirai par le feu, du moins, après avis préalable des hommes de science, le coffret qui devait vous être remis. Quant aux valeurs, qui ainsi que vous le savez, représentent plus de 600 000 francs, par le fait même de ce refus, cette fortune reviendrait, en sa totalité, aux pauvres du département. Il s'agit, vous ne l'avez pas oublié, de 600 000 francs. Il disait cela à l'excellent notaire de sa voix blanche, tout simplement comme s'il le rappelait un détail dont on aurait pu négliger de tenir compte. 600 000 francs. Et puis que pouvait-il donc y avoir dans ce coffret mystérieux ? Conrad avait de plus en plus soif. Il lui donnait une forte somme pour un verre d'eau. Il s'écria, dans un élan d'angoisse, « Mais vous, monsieur, que feriez-vous à ma place ?» Le notaire eut une légère inclinaison de tête, comme pour se récuser. Il avait une mission bien définie et il ne prétendait pas usurper les droits, et surtout sans doute une responsabilité qui ne lui incombait pas. « En tout état de cause, dit-il, je dois vous donner lecture de l'écrit par lequel M. Zipelius m'a investi de mon mandat. Peut-être cette lecture contribuera-t-elle à fixer votre décision en un sens ou en l'autre. Oui, oui, vous avez raison, » fit Conrad, qui dans son indécision ne demandait qu'à gagner du temps. Maître Vandenberg alla un carton, l'ouvrit et en tira un pli. Puis s'étant assis de nouveau, il déplia un papier lu. Notaire qui fait partie de cette humanité criminelle que je me retiens depuis si longtemps de détruire d'un seul coup. Conrad avait poussé un cri de protestation, mais sans plus s'émouvoir que s'il avait lu la pièce la plus simple du monde, le tabellion continua. Notaire, retiens bien ceci. Au moment de rendre mon âme au diable, hein ? Fit encore Zip en bondissant. Au diable, reprit le notaire, comme s'il eût craint que son client n'eût pas nettement entendu. T'informe que par le présent testament, je lègue toute ma fortune, sans en rien distraire, sous quelque prétexte que ce soit, à mon neveu Conrad Zipelius, dont l'adresse est si annexée. Je veux expressément qu'il accepte ou refuse en bloc tout ce que je possède, sans s'arroger le droit de choisir. Maison, terre, valeur, argent monnayé, il prendra tout, mais à la condition expresse de recevoir et d'accepter le pli qui accompagne ce présent, ainsi que le coffret que je t'ai remis ce même jour. Notaire, ton devoir est de m'obéir strictement. Tu le feras, j'en suis certain, car tu craindras que je n'aie avisé la chambre de ce dépôt et des conditions que je t'impose. Tu le feras aussi, parce que sur une succession aussi importante, les droits à percevoir te laisseront un bénéfice assez considérable. Si mon neveu, qui est peut-être un sot, et je le crois, d'après le peu que je sais de lui, était trop lâche pour accepter ma succession, alors, notaire, qui évidemment n'a jamais fait de bien dans ta vie, je te charge de brûler sur la place publique de Blacquinze, loin de tout ruisseau ou cours d'eau, le coffret en question, et de remettre ma fortune à l'autorité compétente pour qu'elle soit distribuée aux pauvres. Daté et signé, conclut le notaire, la pièce est tout à fait régulière. Ah, j'oublie le post-scriptum, par lequel M. Zipelius exige que le pli et le coffret vous soient remis devant témoin. Comme le testateur ne spécifie point une catégorie spéciale de témoins, j'estime que toute liberté nous est laissée pour en fixer nous-mêmes le nombre et la qualité. Quelle est votre opinion quant au nombre ? Que m'importe, gémit Conrad. Trois, voulez-vous ? J'enverrai chercher le percepteur, homme des plus honorables, M. Frankel, qui est fort considéré, et pour le troisième, si vous n'y voyez pas d'objection, mon premier clerc pourra remplir cet office. Veuillez répondre, je vous prie. De fait, Zip, absolument abasourdi, ne pouvait se décider à prononcer un seul mot. Une étrange sensation s'emparait de lui. Il lui semblait qu'il fût saisi par un engrenage dont toute sa force n'aurait pas pu le délivrer. Il obéissait à une énergie attractive contre laquelle aucune résistance n'était possible. Il voulut que cet homme impassible le devinât, le comprît, se substitua à lui-même en quelque sorte, lui imposa une volonté quelconque, mais point. Ce notaire, qui n'avait jamais fait de bien à personne, c'était l'oncle Zipelius qui l'avait dit, lui laissait une désolante liberté. Peut-être, à l'état parfaitement sain, Conrad eût-il résisté contre l'engourdissement qui annihilait ses facultés résonantes. Mais la soirée avait été chaude et la matinée n'avait pas contribué à en atténuer l'effet. « Faites ce que vous voudrez » s'écria-t-il. « Dois-je interpréter ces mots ?» demanda très tranquillement le notaire, dans le sens d'un acquiescement à la suite des opérations commerciales. « Oui, » dit nettement Conrad, qui voulait en finir. « Il faut moins de volonté pour dire oui que pour dire non. » Le notaire le laissa seul et sortit de son cabinet pour donner des ordres. Zip était resté sur sa chaise, s'efforçant de ressaisir le fil de ses idées. Sur le bureau du notaire était restée tout ouverte la lettre de l'oncle. Il se pencha et ses yeux tombèrent sur ces mots. « Si mon neveu, qui est peut-être un sot, était assez lâche pour... »« Il ne me connaissait pas !» dit tout haut le jeune homme. « Ni sot ni lâche, je le prouverai bien !» Cet accès passager de colère produisit en lui une réaction salutaire et quand le notaire rentra en annonçant, toujours à faune, que ces messieurs allaient arriver tout de suite, il put constater que Conrad était très rouge et paraissait absolument décidé. Mais dans quel sens ? « Je vous rappelle, monsieur, dit-il, que je dois vous faire offre devant témoin de la succession de votre oncle et que vous êtes libre d'accepter ou de refuser. » Conrad releva la tête d'un air de défi. « On verrait bien s'il était un sot ou un lâche. Quelques minutes après, les trois témoins désignés apparaissaient dans le cabinet de Maître Vandenberg. « Messieurs, leur dit le notaire, je vous ai déjà informé, chacun en particulier, de la mission de confiance qui vous était dévolue par le testament de Jean-Martin Zipelius, décédé. Il s'agit tout simplement d'assister à la déclaration par laquelle M. Conrad Zipelius, ici présent, accepte ou refuse la succession de son oncle qu'il a institué par testament son légataire universel, et de constater, en cas d'acceptation, la remise faite par moi entre ses mains de papier et objets indiqués au dit testament. Consentez-vous, messieurs, à me prêter votre concours en ces conditions ? » Cette voix du notaire, qui n'était qu'un souffle, ajoutait à la simplicité des formules une solennité singulière. Les trois témoins s'inclinèrent en signe de consentement. Maître Mandelberg ouvrit alors le tiroir de son bureau et en tira successivement un dossier assez volumineux, puis une large enveloppe, puis enfin un petit paquet enveloppé de papier et qu'il développa. Alors Zip vit une petite boîte, grande tout au plus comme une forte tabatière, faite d'un métal noirâtre et qui était entourée de ficelles jointes par des cachets de cire. « C'est donc à M. Conrad Zipelius que je m'adresse, » reprit l'officier ministériel. « Et je lui pose la question suivante, très claire et très nette. Ce dossier contient les titres de propriété, valeurs et certificats de dépôt constituant la fortune de Jean-Martin Zipelius, montant le tout à 600 000 francs, suivant évaluation modérée. Cette enveloppe porte comme suscription le nom de M. Conrad Zipelius, ici présent. Enfin, ce coffret scellé, de telle sorte que le contenu nous en est inconnu et qu'il ne nous appartient pas de chercher à le connaître. M. Conrad Zipelius, en présence de messieurs, et il y a voix un peu plus distincte, les noms des témoins convoqués, je vous requiers de me déclarer en toute liberté si vous acceptez la remise de ces trois dépôts et si vous consentez à m'en donner des charges conformément à la loi. » Il y eut un silence. Dans les quelques secondes qui s'écoulèrent, Conrad se remit dans son petit magasin, si tranquille, ayant auprès de lui Mickey et la petite Monique. Mais en même temps il surprit, rivé à son visage, les regards curieux, peut-être railleurs, des trois témoins qui le regardaient. « Ni sot, ni lâche, dit-il, j'accepte. » Il avait pensé tout, mais nul ne sembla y prendre garde. Il y a toujours un moment intéressant. C'est celui où on va remettre aux mains de quelqu'un une fortune d'un demi-million. Quand, sur ses doigts écartés, Conrad reçut le dossier, soigneusement sanglé d'une courroie, il eut dans la pièce un léger frémissement. L'enveloppe causa peu d'émoi. Quant à la boîte scellée, on eût dit que le notaire prenait on ne sait quel plaisir à donner à sa remise plus de dignité. Il avança lentement les doigts et posa, comme avec respect, l'objet sur les papiers. Et Conrad restait ainsi, les bras étendus, portant cette fortune et pour tout dire, ayant passablement l'air d'un niais. Le notaire vint à son aide. Il fallait signer l'acte préparé d'avance, comme si jamais on eût douté d'une acceptation tout au moins probable. Conrad déposa son fardeau sur le coin du bureau et de sa plus belle main donna le paraphe réclamé. Au-dessous s'alignèrent les signatures des trois témoins. C'était fait, Conrad était bien et dûment l'héritier des Zipelius. Il eut un large soupir de soulagement. Après tout, pourquoi donc se sentait-il fort ému ? Il était riche et n'avait rien à se reprocher. Les titres, naturellement, l'embarrassaient. Le notaire consentit galamment à en reprendre charge. Du reste, l'inventaire était tout dressé. « Si vous avez besoin de quelque argent, dit Maître Vandenberg, j'ai ici une cinquantaine de mille francs à vous. Le reste est à la succursale de la banque à Dunkerque. » Conrad, qui voyait tout à travers un voile, prit les 50 billets de 1 000 francs et les enfourna dans la poche de sa redingote, avec l'enveloppe contenant sans doute les volontés particulières du vieux Zipelius. Il remercia le notaire, les témoins et se disposait à sortir. « Monsieur, lui dit Maître Vandenberg, vous oubliez le coffret. » C'était vrai. Dans son trouble, il le laissait sur le coin du bureau notarial. En fait, il s'en souciait fort peu. Il le prit, non sans un sourire dédaigneux, et le fourra dans la poche de son pantalon. Comme il sortait de l'étude en compagnie de ses trois témoins, le notaire ayant, pour la circonstance, accordé à son clerc quelques heures de liberté, il vit une foule assemblée devant la porte. C'était surtout des gamins et des mendiants. Une clameur sourde roula, malveillante, presque menaçante. Une voix cria « À bas les sorciers !» Mais M. Frankel et le percepteur se montrèrent énergiquement protecteurs. La meute se tut et se tint à distance respectueuse. Conrad faisait d'ailleurs très bonne contenance. « Que veulent ces imbéciles ? » demanda-t-il à voix haute. « Que cela ne vous étonne pas outre mesure, » lui dit le percepteur. « Les Hippelius ont en ce pays un renom fâcheux. On les redoute comme des magiciens, et il faut reconnaître que votre oncle a tout fait pour aggraver la légende. N'a-t-il pas 100 fois menacé de brûler et de détruire la ville ? » Aussi, à Blankens, n'avez-vous jamais remarqué que nous-mêmes, nous ne vous regardions pas sans une certaine inquiétude ? Tous fous, les Hippelius, c'est le dicton du pays. Par bonheur, vous le ferez mentir. J'y compte bien, fit Zip, à qui le petit matelas de billets de banque procurait une douce chaleur pectorale. L'heure était venue de déjeuner. Conrad invita ses témoins, ce qui d'ailleurs ne parut pas les étonner outre mesure. Seulement, il fallait tout d'abord qu'il expédiât une dépêche à Paris. Vous ne restez ce soir ? Demanda l'hôtelier de la couronne. Sans doute. Cependant, je ne m'attarderai pas ici, quitte à revenir bientôt, bien entendu. Le bureau de poste se trouvait en haut d'une ruelle débouchant du marché. De la hauteur, par une échappée entre deux propriétés, on apercevait la campagne. Le temps était clair. « Tenez, » dit M. Frankel, « d'ici vous pouvez voir la maison du vieux Hippelius, la vôtre, s'entend. » À l'horizon, un village blanc se détachait, comme entouré d'un ruban d'acier qui était l'Isère. Au-dessus, vers la droite, une tache noirâtre, tout enveloppée d'un cadre de verdure. « Voilà votre château, » reprit M. Frankel, avec plus de 300 hectares de bois. Mais le vieux Hippelius ne s'y est guère promené. Quant au bâtiment, il n'occupait que le plus petit, là, en contrebas. C'est de là que jaillissaient les lueurs infernales qui effrayaient si fort le pays. Tout cela n'a guère été entretenu, et vous aurez fort à faire, si la fantaisie vous prend de vous y installer. Conrad regardait. Sous la lumière blanche qui l'enveloppait comme une nuée, la maison des Hippelius, avec sa large couronne de frondaisons éclatantes, semblait la face brune d'une reine des Égyptes anciennes. L'artiste se sentait pris d'une sympathie pour cette bâtisse étrange et muette où un homme avait vécu toute une vie solitaire, un homme qui ne pouvait être méchant après tout puisqu'il avait songé à enrichir son neveu auquel, en somme, il ne devait rien. « Midi, fit quelqu'un, hâtez-vous, sinon le télégraphe sera fermé. » Conrad s'éveilla comme en sursaut. On se dirigea vers la poste. La buraliste fermait sa porte et dit d'un ton assez rogue « À 2 heures !»« Oh !» fit M. Frankel, « vous ne renverrez pas M. Hippelius. » Comme toujours, ce nom eut une vertu magique. Les règlements administratifs fléchirent et Zip se trouva devant le guichet d'où se dardaient vers lui de petits yeux gris allumés de curiosité. « Ça vous étonne, mademoiselle Pauline, de voir un beau garçon comme monsieur ?» Conrad rougit plus que la préposée et se mit à rédiger sa dépêche. « Madame Hippelius, à Paris. Tout va bien, héritage en poche, vous embrasse tous. C'était court, mais clair. « Vous comprenez ?» lui dit à l'oreille le percepteur. « Tout le monde ici se figurait que le neveu du sorcier était un vieux année crochu. » On déjeuna vaillamment, mais sans excès. Conrad était parfaitement rasséréné. Il se montra plein de gaieté, sans morgue aucune, quoique, après tout, quand on avait 600 000 francs chez un notaire, on eut bien le droit d'être un peu fier. Ses témoins, devenus ses amis, étaient enchantés de lui. Les langues se déliaient au mieux. Vraiment, on ne doit demander la mort de personne. Mais c'était un bonheur pour le pays que d'être débarrassé de ce vieux fou. Toujours parler de mettre le feu, de faire rôtir la terre et ses habitants, cela devenait fatigant à la longue. Et le pire, c'est que le Hippelius avait l'air parfaitement convaincu qu'il était possesseur d'un pouvoir surnaturel. Très savant d'ailleurs, à ce qu'il paraît, car les chimistes de Paris étaient venus plusieurs fois le consulter. Mais évidemment, quelque chose lui avait tourné la tête. C'est ce qu'on appelle dans le pays le secret des Hippelius. Maintenant, Conrad riait très fort. Toute inquiétude, tout malaise avait disparu. Très bon enfant de sa nature, il jouissait exquisément de la cordialité des autres. « Vous m'aviez pris pour un alchimiste. Nous sommes bien loin du compte. Vous pouvez être bien tranquille avec le secret des Hippelius. » Et il riait de plus belle, de sa grosse voix franche. « Et puis il n'y a probablement pas de secret, » disait un autre. On faisait des gorges chaudes sur ce vieux souffleur qui s'était trompé d'époque et qui aurait dû vivre au Moyen-Âge. On l'aurait brûlé. De cette façon, il aurait été guéri de sa manie de brûler les autres. Les heures passaient. Il était temps que chacun retournât à ses affaires. On échangea force de poignée de main. « Irez-vous à Blankens aujourd'hui ?» demanda M. Frankel à Conrad. il n'y a pas de danger. D'ailleurs, entre nous, je me sens la tête un peu lourde et je monte faire un somme. » En effet, il alla s'enfermer dans sa chambre et s'étendit sur son lit. Presque aussitôt, il s'endormit. Il faisait un rêve étrange. Des chiens le poursuivaient. Il essayait de fuir, mais la meute le gagnait de vitesse, l'atteignait. Il sentait des dents s'incruster dans sa chair. Il eut un soubresaut et s'éveilla brusquement. Était-ce une illusion ? À la jambe, une douleur persistait, comme si réellement une gueule le mordait encore. Il porta la main à sa cuisse et sentit un corps dur. Il se jeta en bas de son lit et poussa une exclamation de surprise. Ce qui lui avait donné cette impression douloureuse pendant son sommeil, c'était l'angle de la petite boîte que, sans plus y songer, il avait plongée dans sa poche. Il la tira et l'examina attentivement. Elle était fort simple et surtout n'avait absolument rien de rébarbatif. En fer forgé, tout uni. Enveloppant le couvercle, quatre bandelettes de toile dure se croisaient. Les cachets de cire s'étaient un peu effrités sous la pression. Est-ce que c'était là, par hasard, qu'était renfermé ce fameux secret des Hippélus qui faisait si grand peur aux naïfs et aux niais ? Mais à propos, il y avait une lettre. Conrad tira de la pochette de sa redingote l'enveloppe fermée, elle aussi, de larges cachets de cire, en même temps la liasse de billets de banque. 50 000 francs. Il n'en avait jamais tant vu. Il s'amusa enfantinement à les étaler sur son lit, les posant en rang l'un à côté de l'autre, et cela faisait, à distance, comme une moire bleue brochée de blanc. La lettre était auprès, montrant ses cachets rouges qui ressemblaient à de larges gouttes de sang. Conrad passa ses doigts dans ses cheveux. Voyons, il fallait pourtant raisonner. En acceptant l'héritage du vieux Hippélus, Conrad avait pris vis-à-vis d'autrui, mais surtout vis-à-vis de lui-même, un engagement d'honneur. Il fallait lire cette lettre et sans plus tarder. Après tout, le vieux Hippélus avait pu ne vouloir confier qu'à son neveu certains secrets de famille. Il était admissible qu'il l'eût chargé de quelques missions de confiance. Qui sait, d'un fidéicommis peut-être. Et cette justice doit être rendue à Conrad, qu'il n'eût point admis qu'il lui fût possible de trahir sa confiance, alors même que personne n'eût pu le contraindre à faire son devoir. Il éprouva même comme un remords d'avoir autant tardé à accomplir le premier vœu de son vieil oncle, qui lui enjoignit évidemment d'ouvrir immédiatement le pli en question. « Allons, » fit-il en portant la main sur les cachets. Il pâlit un peu, saisi encore une fois d'une angoisse inexplicable. Mais, avec une révolte contre lui-même, il ouvrit, déchirant le papier d'un mouvement presque violent. De l'enveloppe, il tira une feuille pliée, couverte d'écriture, et en l'ouvrant à son tour, il y trouva deux autres enveloppes, scellées chacune d'un cachet de cire rouge. L'une portait le numéro 1, l'autre le numéro 2. Pris d'une invincible curiosité, Conrad se mit à lire. Voici ce qui était écrit d'une écriture fine et ferme qu'un graphologue n'eût certes jamais attribué à un fou. « Mon cher neveu, puisque tu ouvres cette lettre, tu n'es décidément ni un sot ni un lâche. Je dis cela parce que je sais quels racontards on t'a fait sur mon compte. On t'a dit que j'étais un fou et un mauvais homme. Je ne suis pas fou, car j'ai la conscience de l'immense pouvoir que j'ai entre les mains, étant 100 fois, en 10 ans, j'ai eu la plus indéniable des preuves. Je ne suis pas méchant, puisque malgré la méchanceté des hommes, malgré les persécutions absurdes dont j'ai été la victime, je n'ai pas usé de cette puissance formidable, si formidable que si je voulais, d'un geste, je pourrais anéantir la terre, changer l'ordre des mondes, bouleverser l'univers en un de ces cataclysmes dont les antiques catastrophes cosmiques peuvent à peine donner la vision aux imaginations épouvantées. Parfois, en les moments de colère que provoquaient en moi les injustices de ces hommes qui ne comprenaient pas, et je ne leur ai pardonné que parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, l'inouïe curiosité dont je faisais preuve à cet égard, je me suis laissé emporter. J'ai crié mon secret en des menaces furieuses. Ah, s'ils savaient, les imprudents, les imbéciles, ce qu'il m'a fallu de force morale, de bonté innée, pour ne pas, en ouvrant la main, faire jaillir des entrailles de la terre ce feu qui, au temps biblique, dévora les villes maudites. Si tu savais toi-même. Mais non, je ne veux, je ne dois te dire rien encore. Sache seulement que depuis 20 ans, je lutte contre un désir fou qui me tient aux entrailles, à la conscience. Ils te diront que bien souvent on m'a vu accoudé aux margelles des ponts et des puits. Ils s'imaginaient que j'ensorcelais l'eau, que je l'empoisonnais. Stupide, s'ils avaient pu lire dans mon cerveau, écoutez le bouillonnement de passion qui grondait en moi. Ils disent que je suis fou. Sache ceci, si un seul instant, pendant un centième de seconde, j'avais perdu réellement l'usage de ma raison, si seulement j'avais été ivre, comme le moins ivrogne de nos buveurs de taverne, si pendant l'espace d'un éclair ma main n'avait pas été inexorablement enchaînée à ma volonté, eh bien, oh, ne souris pas surtout. Une minute après que j'aurais fait ce geste de malédiction, un épouvantable craquement aurait disloqué la terre. Les montagnes se seraient écroulées. Les orgueilleuses capitales se seraient englouties dans des gouffres béants subitement ouverts. Et tu crois que cela n'aurait pas été sublime d'horreur et de grandeur aussi? Tu entendras railler ce qu'on appelle en riant le secret des Hippelius. S'ils le connaissaient, ces plaisantins, ils n'auraient pas assez de cris pour hurler leur épouvante, pas assez de larmes pour implorer ma pitié. Car il existe, ce secret, je l'ai. Je puis le tenir entre deux doigts de ma main. 100 fois, je suis sorti en l'emportant avec moi. Conrad, ce secret, car il faut que tu saches tout, le premier qui l'a découvert, mon grand-oncle Zibelius, s'est suicidé de rage de ne l'avoir pas pu porter à sa perfection. Il l'a légué à son neveu, qui s'est suicidé par terreur de la puissance qu'il soupçonnait, sans cependant l'avoir possédée encore tout entière. Et celui-là m'a légué le problème presque résolu. Moi, Jean-Martin Zibelius, j'ai achevé l'œuvre. Qu'ai-je trouvé après tout? Une simple formule chimique. Avec elle, le dernier des manipulateurs peut accomplir le travail que moi, j'ai mis 10 ans à parfaire. Il peut être en possession de ce secret qui a déjà coûté la vie à 2 des Hippelius et qui, je ne puis répondre de l'avenir, me tuera peut-être comme il a tué les 2 autres. Pourquoi je ne le livre pas? Pourquoi, comme les chercheurs de niaiserie, je ne le communique pas à une académie quelconque? Ne l'as-tu pas déjà compris? Je te dis que c'est un secret de mort. Bien plus, c'est le secret de la mort, même de la mort des hommes, des choses et des mondes. En face de mon secret, je suis comme l'avare en face de son trésor. Sa possession m'enivre. Je sais ce que je suis et je m'admire en la grandeur magnanime de ma miséricorde. Et si pourtant, en un jour de défaillance, la passion était plus forte que la raison, que la conscience, n'est-ce point là l'excuse de tous les assassins passionnels? Une fièvre dont ils ne sont pas les maîtres, les brûle, les exalte, les affole, et ils frappent en une seconde d'inconscience. Et si moi, j'avais aussi cette minute d'inconscience, devant quel tribunal plaiderais-je l'irresponsabilité, puisque tout serait détruit, puisqu'il n'y aurait plus rien? Et à mesure que passent les années, à mesure que plus longtemps mon secret me brûle la poitrine et me dessèche le cœur, qui me dit qu'un jour je ne faiblirai pas? Non, non, j'en fais ici le serment solennel. Plutôt que de commettre ce crime qui serait le crime même, je me tuerais. Bien souvent déjà, en mes tortures, alors que le désir fou me tenaillait, j'ai élevé vers mes lèvres la fiole de poison qui me forcera de ne point agir. Mais écoute ceci, il est un courage que quand même et quoi qu'il arrive, je n'aurai pas. Jamais je ne détruirai le secret des Hippelius. D'ailleurs, il ne m'appartient pas. Comme il m'a été légué, je te le léguerai. Qu'en feras-tu? Je l'ignore. L'accepteras-tu seulement? Et une fois qu'il sera en ta possession, est-ce toi qui seras l'homme formidable par qui le monde sera détruit? Te feras-tu le justicier de cet univers, si mal équilibré qu'il est, à la merci d'un vieux chimiste qui s'appelle Zibelius, demain peut-être à ta merci, à toi? Je ne veux rien prévoir, non plus que je ne veux rien te conseiller. C'est un Zibelius que je remettrai le secret des Zibelius. Tu agiras en la pleine liberté de ta volonté et de ta conscience. Je t'en ai assez dit pour éveiller ta prudence ou ton génie. Peut-être, pris maintenant d'une lâcheté que tu n'auras pas ressentie devant un notaire plat et nul, peut-être songeras-tu à détruire jusqu'au vestige de ce secret qui t'appartient tout entier. Pour commettre cet acte, dont la seule pensée me fait frissonner, mais que ma conscience m'ordonne de laisser à ton libre arbitre, il te suffira de faire toi-même ce que j'ordonnerai à mon exécuteur testamentaire au cas où, obéissant à des considérations qui m'échappent, tu refuserais ma succession sans même la connaître. Tu allumeras un grand feu sur une large place, en un endroit très sec, et bien au milieu du brasier incandescent, tu jetteras la petite boîte de fer qui t'a été remise. Il n'y a rien à redouter, pas même la crépitation, une explosion. La boîte étant portée au rouge, la substance qui est contenue perdra toutes ses propriétés. En même temps, tu auras brûlé les deux enveloppes jointes à celle-ci. Le secret des Hippelius aura à jamais disparu, et pour longtemps, sinon pour toujours, car tout se recommence. Mais avant de te décider à ce sacrilège, peut-être seras-tu tenté de savoir par toi-même si l'oncle Hippelius n'est pas un simple mystificateur. En ce cas, voici ce que tu aurais à faire. Rends-toi seul dans ma maison de Blanquins, muni de la boîte de fer que tu te garderas bien, sur ta vie, d'ouvrir ailleurs. Arrivé là, tu trouveras facilement au second étage une pièce fermée par une porte de fer. Tu y allumeras du feu pendant 2 jours et 2 nuits de suite afin de faire disparaître toute trace d'humidité. Ceci fait, tu briseras le scellé du coffret et tu obéiras strictement aux instructions renfermées dans un petit billet que tu y trouveras. Ne redoute rien. L'expérience que tu feras alors te semblera un jeu d'enfant. Si elle te paraît méprisable, agis à ta guise. Si elle t'intéresse, alors ouvre le second pli contenu dans cette enveloppe, et comme disent nos matelots, adieu va. Mon neveu, Conrad Hippelius, je remets le sort du monde entre tes mains, à moins que, je ne sais pas encore ce que je ferai moi-même. Ton oncle, Jean-Martin Hippelius.